Le président américain Trump lance actuellement des propos belliqueux de livrer la guerre avec la Corée, tout en conduisant la situation de la péninsule coréenne au seuil d'une guerre nucléaire. Rappelons que rien que pendant la dernière guerre de Corée, les États-Unis avaient projeté à une vingtaine de reprises le largage de la bombe atomique dans la péninsule coréenne. En novembre 1950, le président Truman d'alors avait publié la déclaration sur l'usage de la bombe atomique en Corée du Nord. Parallèlement, les États-Unis avaient transféré le bombardier stratégique B-47 portant à bord la bombe atomique à leur base aérienne à Okinawa et en décembre de la même année avaient déployé en top secret l'arme nucléaire sur leur porte-avions à l'ancre au large d'Incheon après avoir mis en état de sortie les avions vecteurs des bombes nucléaires. L'usage de la bombe atomique est devenu impossible devant la protestation véhémente de la communauté internationale. Les bellicistes américains, tels que Eisenhower et Ridgway, ont plus tard cherché à utiliser en permanence la bombe atomique dans la péninsule coréenne.